It's moving. It's alive. It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God, now I know what it feels like to be God. Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone, et vous l'avez entendu à travers les coups de tonnerre, It's Alive, il est vivant. Oui, ça, Frankenstein, qui ça est vivant? Bah, c'est Frankenstein. Et Mathieu Riopel, qui est professeur de physique au Cégep Garneau, a décidé de nous le faire revivre en nous plongeant dans le contexte de l'époque à laquelle le livre a été écrit. Bonjour Mathieu. Bonjour Valérie. Alors ce roman lui-même est quand même déjà un bon survivant parce qu'il ne date pas d'hier et il perdure dans l'imaginaire collectif. Oui, ben en fait, ça a été écrit il y a 200 ans cette année. Là. Ça a été publié en 1818, ce livre-là. Donc, on fête le 200e anniversaire de la publication de Frankenstein. Et puis, ben, c'est l'Halloween. C'était l'Halloween hier. Donc, c'est une bonne occasion pour parler de tout ça. Exactement. Puis, pour rappeler aussi que c'est une femme, en plus, qui en est l'auteur. Oui, c'est Mary Shelley qui avait écrit ça. Elle avait commencé l'écriture à 18 ans à peine. Et puis, ça a donné un grand succès dont on se souvient encore aujourd'hui. Voilà, donc c'est quand même assez rare que des femmes à l'époque écrivent des livres ou des articles en leur nom. Des fois, il fallait qu'elles prennent un nom d'homme. Et en plus, c'est un succès qui a perduré. Donc en fait, pourquoi en parler en fait aujourd'hui et aussi peut-être revenir dans le contexte de l'époque dans lequel ce livre a été écrit? Oui, tout à fait. Ben, en fait, l'idée, c'est que Frankenstein... les inspirations qui ont mené à l'écriture de tout ça sont assez diverses, mais comme c'est un des premiers livres, si on veut, un premier roman de science-fiction, à partir de l'époque où ça a commencé à s'écrire, ce style-là, la science-fiction, bien, on a commencé à s'inspirer d'autres choses que les mythes, les trucs magiques. On s'est inspiré des idées de la science pour produire des aventures, des intrigues dans les romans. Donc, on va aller voir justement la science qu'il y a derrière Frankenstein, tout le contexte scientifique. C'est un excellent roman pour se plonger dans cette histoire des sciences-là. Pas que ça contient énormément d'idées scientifiques à l'intérieur du roman qui sont expliquées, mais que toute l'inspiration qui est en arrière touche à beaucoup de sciences qui se faisaient à l'époque. Donc, alors, allons-y, en fait. Il y a 200 ans, bon, quelles étaient ces inspirations scientifiques? Qu'est-ce qu'on était en train de découvrir qui a pu inspirer Mary Shelley? Oui, bien... en fait, l'inspiration de Mary Shelley est assez diverse. Là. Juste pour remettre dans le contexte, Frankenstein, tout le monde connaît l'histoire. Là, c'est ça, rappeler l'histoire déjà, c'est vrai. Un savant, souvent qui est vu, qui est décrit comme un savant fou, là, qui redonne la vie à un corps qui était inanimé, avec souvent c'est montré avec des éclairs, puis tout ça. Puis en fait, ce qu'il faut aussi, une chose qui est à préciser, c'est que l'image dont à peu près tout le monde se fait de Frankenstein est assez différente de celle qu'il y a dans le roman, parce que l'image de Frankenstein est venue par après, suite à toutes les adaptations qu'il y a eu au théâtre, mais aussi surtout au cinéma. En 1931, il y a eu le film de James Whale qui a été un succès, puis qui a vraiment marqué l'imaginaire, puis toutes sortes de suites. Là, il y a eu La fiancée de Frankenstein par après, puis plein d'autres adaptations, mais qui sont toujours un peu éloignées du vrai roman original. Donc, on pourrait peut-être juste préciser qu'est-ce qu'il y avait différent dans le roman original. D'abord, c'est probablement le monstre en tant que tel qui ne s'appelle pas Frankenstein. Frankenstein, c'était le nom du scientifique. Il s'appelait Victor Frankenstein. Donc, il a créé ce monstre qui était le monstre de Frankenstein, mais qui n'avait pas de nom, en fait, dans le roman. Et puis... ce monstre-là, il est souvent présenté, tu sais, avec des écrous dans le cou, puis tout ça, là. Puis grand aussi. Grand, puis il grogne. Ouais. Il parle pas vraiment, ce monstre-là, mais il grogne. Tandis que dans le roman, on le décrit pas beaucoup. On dit juste qu'il est épouvantablement laid et puis que ça... C'est d'ailleurs pourquoi le scientifique qui le... qui lui donne la vie le rejette, c'est parce qu'il trouve trop laid, d'une certaine façon, ça l'écœure, en fait, sa création la trouve répugnante. Et donc, il le rejette, mais ce monstre-là, il est intelligent. C'est d'ailleurs probablement le personnage qui est le plus articulé à l'intérieur du roman, qui s'exprime probablement le mieux. Donc, le monstre est rejeté de son créateur, puis ensuite, il essaie de se venger de ce rejet-là contre qui vit, puis il va tuer en fait à peu près toutes les personnes que Victor Frankenstein, son créateur, aimait, donc sa famille, ses amis, sa femme, puis ils vont se poursuivre jusqu'au pôle Nord. Il y a comme une poursuite entre le monstre puis le scientifique qui se termine au pôle Nord. En tout cas, je vous dis pas toutes les punches, mais ça se termine à cet endroit-là dans le monde. Donc on voit que c'est assez différent là, d'espèce de labo qu'on s'imagine avec le scientifique fou, le monstre qui grogne. Là. Ça, c'est plus dans le film, qui donne quand même un bon film, tout ça, mais c'est différent de l'idée de départ. Puis Mary Shelley, pour revenir à qu'est-ce qui l'a inspiré, ben, elle a écrit en 1816... Le début de l'écriture, en fait, ça fait en 1816. C'est une année dont certaines personnes se sont souvenues longtemps parce qu'on l'a appelée l'année sans été. Ah oui? En 1816, à Québec, par exemple, au début juin, il est tombé 30 cm de neige. Il y a eu des gels partout. Il y a plein de... En fait, il y a des milliers de personnes qui en sont mortes. Et qu'est-ce qui a expliqué ça? C'était un volcan. Il y avait une éruption volcanique d'un volcan sûrement qui était assez important dans les Philippines, en Indonésie. Puis partout dans le monde, il y a eu des problèmes climatiques qui ont été... ça a obscurci le ciel et rafraîchi le climat. Ouais. Donc, à ce moment-là, il y a Mary Shelley, l'auteur, qui va se retrouver avec... En fait, ils sont trois poètes romantiques, si on veut, à se retrouver au bord du lac Léman dans une demeure. Puis ils se sont donné un défi, inventer des histoires de fantômes. Donc, c'est comme il pleuvait à l'extérieur, il était pris à l'intérieur, puis il écrivait des histoires de fantômes comme ça. C'était c'est un défi bon passe-temps, ça. Oui, exactement. Puis ça l'a donné... Il y avait Lord Byron, qui était un poète là-dedans, qui a écrit quelque chose qui a inspiré par la suite les histoires de vampires, Dracula et tout ça. Mm-hmm. Puis il y a Mary Shelley qui a commencé à écrire son roman de Frankenstein dans cette période-là. Toutes sortes de choses vont l'inspirer, Mary Shelley, dont le fait, entre autres, qu'elle venait de perdre son enfant, son bébé qui avait 7 mois, et puis elle voulait de tout son cœur lui redonner la vie, le thème qui revient dans Frankenstein, donner la vie à quelqu'un qui est mort ou quelque chose qui est inanimé. Mais il y a aussi des inspirations scientifiques, puis c'est là-dessus qu'on va se pencher un petit peu plus. L'une des inspirations scientifiques, c'est la chimie. Oui. La chimie qui est, à l'époque, au début des années 1800, la science qui a la cote. Là, la chimie, dans ces années-là, ça venait depuis des siècles. La chimie errait autour de l'alchimie, essayer de transmuter une matière en une autre, métal en un autre. Mais à ce moment-là, la chimie fait toutes sortes de découvertes, puis là, ça prend son envol. Puis d'ailleurs, on retrouve dans Frankenstein un passage, là, il y a le professeur du scientifique Victor Frankenstein qui dit quelque chose, je vais vous le lire. C'est, dit, « Les anciens maîtres de cette science promettaient des choses impossibles et n'accomplissaient rien. Les maîtres modernes, eux, ne promettent rien. Ils savent que les métaux ne peuvent se transmuter et que l'élixir de vie est une chimère, mais ces philosophes dont les mains ne semblent faites que pour remuer la boue et dont les yeux ne servent qu'à observer à travers un microscope ou un creuset ont néanmoins accompli des miracles. Ils dévoilent les secrets de la nature et en montrent tous les détails. Ils accèdent au firmament. Ils ont découvert la circulation sanguine, analysé l'air que nous respirons. Ils ont acquis des pouvoirs nouveaux et presque illimités. Ils ont dompté la foudre, imité les séismes et bravé les ombres du monde invisible. » Donc, on croit en cette nouvelle science-là. Oui, c'est ça. On maîtrise. non seulement on retrouve ça dans Frankenstein, là, c'est un des passages au début du livre, mais c'est calqué sur un discours d'un chimiste qui était célèbre à l'époque, c'était Humphrey Davy. Lui, il présentait des conférences où il montrait toutes les prouesses de la science actuelle. Donc Humphrey Davy, un grand scientifique qui a découvert, entre autres, toutes sortes d'éléments, là, le sodium, le barium, mm-hmm. le potassium, le strontium et le calcium. 5 éléments là, qui ont été isolés pour la première fois par ce chimiste-là et qui a fait toutes sortes de trouvailles importantes, là, ce Humphrey Davy, mais qui faisait aussi, il présentait des conférences. Puis c'est surtout, on sait que Mary Shelley a assisté à une de ces conférences-là et là, ça l'aurait certainement inspiré parce qu'on retrouve ces mots essentiellement. Ah oui. Dans est-ce qu'on retrouve de la chimie dans le livre de Mary Shelley? Ben, en tant que telle, la chimie, elle se trouve en trame de fond au départ sur tout ce qui pourrait amener à Frankenstein, à la création du monstre, mais on n'est pas discuté okay. tellement. C'est plus l'espèce d'atmosphère scientifique mm-hmm. qui dit « Tout est possible, on va faire des progrès incroyables ouais. » grâce à une espèce d'optimisme qu'il y avait dans cette science-là au début du siècle qui, d'après moi, a surtout inspiré Mary Shelley. Parce que moi, j'aurais pensé que c'était aussi les découvertes en électricité qui auraient inspiré Mary Shelley. Ben oui, on y arrive. En fait, à ce moment-là, l'une des raisons pourquoi la chimie a réussi, est en plein essor, si on veut, c'est à cause d'une invention bien particulière qui est la pile électrique. Mm-hmm. Si Humphrey Davy a réussi à isoler des nouveaux éléments, c'est à cause d'une technique qu'on appelle l'électrolyse. Il a réussi, par l'électricité, à briser des molécules. C'est une nouvelle technique. On peut le faire pour l'eau, par exemple. Si on branche une pile électrique dans de l'eau, ben on va être capable de produire de l'hydrogène et de l'oxygène. Puis c'est un peu de là qu'on sait que l'eau est en fait une molécule qui est formée de deux éléments plus simples. Puis de la même manière, Humphrey Davy a isolé différents éléments de cette façon-là grâce à la pile électrique. La pile électrique qui a été... qui, elle, est fondamentale dans le roman, l'idée de départ là, de Frankenstein. Donc, on va parler de la pile, puis de son invention, justement. On va revenir à l'invention de la pile. Ben justement, donc c'est pas Volta qui avait inventé la pile? Oui, la pile, on l'attribue souvent son invention à Volta. Ouais. Mais en fait, c'est né d'une controverse philosophique, scientifique, d'un débat qui a eu cours pendant quelques années entre Volta lui-même et Galvani, mm-hmm. Luigi Galvani, qui était tous les deux étaient des scientifiques italiens. Donc je vais vous parler de Galvani d'abord, mm-hmm. puis on va en arriver à Volta, qui a eu son importance là-dedans. Galvani, lui, c'était un anatomiste. Il était passionné d'électricité, des phénomènes électriques, mais il étudiait, en fait, il analysait différentes choses qui se passaient avec des grenouilles. Il apprêtait les grenouilles d'une façon bien particulière. Il leur enlevait, la plupart du corps, il gardait juste les cuisses, puis les nerfs importants, mm-hmm. La moelle épinière. Puis ces cuisses de grenouilles-là, débarrassées des éléments qui ne lui servaient pas, devenaient des détecteurs d'électricité. Ah oui. En fait, à l'époque, on ne pouvait pas se rendre, chez Canadian Tire, s'acheter un voltmètre. Là. Donc, il fallait pouvoir détecter de l'électricité de différentes façons. Volta le faisait avec sa langue. Il mettait quelque chose sur sa langue. Ouais. Selon le goût que ça donnait, il était capable de savoir la polarité de la pile et tout ça. Mais Galvani le faisait avec des cuisses de grenouille. Donc, si on envoie un petit choc à des nerfs de grenouille, les cuisses vont se contracter. Ouais. Donc, ça fait un détecteur qui était très sensible. Si la grenouille bouge, il y a du courant qui passe. Ouais, c'est en ce gros, qu'il a remarqué. C'est ça. Et donc, il a remarqué Galvani, puis c'était connu à l'époque, là, que si on envoie de l'électricité dans des nerfs, dans des muscles, ces muscles-là vont se contracter. Puis, il s'en est servi de toutes sortes de façons. Galvani accrochait, par exemple, ses cuisses de grenouille sur le bord de son balcon, les laissait pendre là. Puis, lorsqu'il y avait un orage, chose qu'il a remarqué, lorsqu'il y avait un éclair, les cuisses de grenouille se contractaient. Ouais. Même morte. Il était morte une fois accroché comme ça. Une fois décérébré et tout. Oui, exactement. Donc, cette contraction-là était due, puis aujourd'hui, À l'époque, il n'a pas été capable d'expliquer ce phénomène-là, pourquoi les cuisses de grenouilles se contractent au même moment où il y a des éclairs. Aujourd'hui, on sait que c'est un phénomène d'induction électromagnétique. Ça a été expliqué 100 ans plus tard, cette idée-là d'induction à distance. Il y a des ondes radio qui sont produites, qui sont très fortes, et puis qui vont faire contracter... En fait, on pourrait mesurer de l'électricité avec un autre détecteur que des cuisses de grenouilles. Mais j'essaie d'imaginer quand même l'ambiance du labo de Galvani avec les cuisses de grenouilles qui pendent. Oui, effectivement. Puis il existe beaucoup de schémas. On prend le temps d'aller chercher un peu sur Internet. Là, on est capable de trouver des schémas de son laboratoire avec justement des cuisses de grenouilles. Puis là, Galvani va faire une découverte qui est probablement sa plus importante. Lorsqu'il va justement suspendre les grenouilles, il les avait accrochées avec des petits crochets faits en cuivre sur le bord de son balcon qui, lui, était fait en fer. Et puis là, il a remarqué que lorsque les cuisses de grenouilles touchaient aux barreaux de fer et qui étaient suspendues par le crochet de cuivre, ils se contractaient tout seuls. Ah oui. Il a remarqué ça, il a trouvé ça assez intriguant. Il a essayé de reproduire ça dans son laboratoire. Puis ce qu'il a remarqué, c'est que c'était le fait d'avoir deux métaux différents, le cuivre et le fer, en contact sur la grenouille qui produisait de l'électricité. Donc, il a analysé ça. Puis la façon dont il l'a interprété est importante. C'est que lui, il s'est dit, c'est la grenouille qui possède de l'énergie, qui va produire l'électricité. Ouais. Galvani était... Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, il y avait un débat entre les vitalistes qui croyaient que pour être le vivant devait avoir une espèce d'énergie vitale. Puis cette énergie-là, on l'associait un peu à l'électricité. En fait, Galvani l'a associé à l'électricité. Mais de l'autre côté, il y avait des scientifiques qui croyaient que simplement avec des lois de la physique, de la chimie, on pouvait expliquer la vie comme une propriété émergente de ces lois-là. Et Volta, d'ailleurs, qui est arrivé un peu plus tard, lui, il s'est dit, c'est pas vraiment des cuisses de grenouille que vient l'électricité, mais du fait qu'il y a deux métaux qui sont en contact. Ouais. Et en fait, il a essayé de prouver que Galvani avait tort en faisant toutes sortes de tests en laboratoire avec des métaux différents. Et puis, en faisant ces tests-là, il a inventé la pile électrique. Il a... Une pile électrique, essentiellement, ça prend deux métaux différents, le cuivre et le zinc, par exemple, puis une solution électrolytique. On peut en fabriquer une pile en plantant un sou noir, un clou dans un citron. Ça va produire une tension électrique. Donc, c'est essentiellement ça qu'a inventé Volta en essayant de prouver que Galvani avait tort au sujet de ce fluide électrique qui donnait la vie. Ouais. Mais on voit quand même comment ces expériences de Galvani ont pu influencer quand même, ou inspirer Mary Shelley quand même. Oui, puis au-delà de ça, le neveu de Galvani a peut-être joué encore plus un grand rôle dans la genèse de Frankenstein, c'est-à-dire que le neveu de Galvani, qui s'appelait Aldini. Aldini, qui lui... longtemps, quelques années après, à peu près 10 ans après Galvani, lui, il était convaincu encore de l'importance de l'électricité dans la vie. Il essayait de faire de le prouver au monde entier. Donc, il faisait en public des démonstrations des effets de l'électricité sur le vivant. Aldini va, entre autres, à Londres faire une démonstration qui va choquer beaucoup de gens. Il va prendre le corps d'une personne qui était morte. Il s'appelait George Foster. George Foster avait tué sa femme et ses enfants, avait été condamné à mort, avait été pendu. Il va récupérer ce corps-là, qui est fraîchement mort, si on veut. On est à l'Halloween, là. Ouais. Il va faire toutes sortes de tests en public avec ce corps-là. Il va brancher une pile électrique sur son visage, sur ses yeux, puis il va remarquer que les yeux s'ouvrent. Ah oui? Il le montrait à tout le monde qui était là. Il va faire bouger ses mains avec des chocs électriques sur le corps. Il va même essayer de brancher son thorax à des piles électriques pour faire semblant qu'il respire, pour contracter les muscles du thorax et lui faire souffler une chandelle à ce point, corps-là. Il s'est rendu jusque-là. Et donc, on s'imagine Mary Shelley qui arrive, qui a entendu parler tout le monde à l'époque à Londres, avait entendu parler de ces expériences-là. Elle s'est imaginé l'étape suivante, c'est-à-dire de redonner complètement la vie à un corps qui était inanimé. Ouais. Je pensais pas qu'il y avait quand même un fond quasiment story véridique, qu'on avait vraiment fait ce genre d'expérience. Puis c'est quand même assez curieux parce qu'il y a toute cette inspiration scientifique, mais aujourd'hui, quand on pense à Frankenstein, on pense pas tant aux inspirations scientifiques, mais et à la créature elle-même, mais au docteur Frankenstein, au docteur fou, finalement. C'est ce que c'est devenu, Frankenstein, aujourd'hui, le docteur fou. Malheureusement, c'est ça, il y a l'espèce de mythe qui a été créé avec Frankenstein, des scientifiques fous, des scientifiques qui travaillent dans leur laboratoire à inventer des trucs un peu inquiétants. Dont ils perdent le contrôle. Et puis là, ça serait intéressant de rétablir les faits. Puis c'est là que ça devient intéressant de faire la différence entre les adaptations de Frankenstein et le roman lui-même. Parce que dans le roman, le scientifique Victor Frankenstein n'est pas présenté nécessairement comme un fou. C'est quelqu'un d'assez lucide. C'est peut-être quelqu'un qui est assez obsessif et romantique, mais c'est certainement pas un fou qui travaille de façon très isolé et tout ça. Il y a une famille, il y a des amis qui meurent tous dans le livre, effectivement. Mais c'est un espèce de cliché malheureux qui est apparu, à mon avis. Puis, il y a aussi toute l'idée en science que les créations scientifiques peuvent être dangereuses. C'est ça qui est né aussi avec Frankenstein, que la science qu'on crée, qu'à force de jouer à Dieu, si on veut, avec la nature, tout ça, ça peut se retourner contre nous. C'est probablement quelque chose qui est souvent ressorti quand on parle de je sais pas moi, l'intelligence artificielle, robots. Ou même les OGM. Je me souviens qu'à un moment donné, on parlait des aliments Frankenstein à propos des OGM. Oui, tout à fait. Le nucléaire, ça en est un exemple frappant aussi. Là, on a développé l'énergie nucléaire, on pensait que ça allait changer le monde. Finalement, on se retrouve avec les bombes nucléaires, la radioactivité, tout ça. Mais encore là, il y a une différence entre ce que les adaptations de Frankenstein ont proposé, qui vont un peu dans ce sens-là. C'est dès que le monstre est créé, il se retourne contre à peu près tout le monde. Mais il y a une différence avec le roman où on présente le monstre d'une façon complètement différente. En fait, le monstre dans Frankenstein, lorsqu'il se réveille, c'est pas un monstre. Il est très, très laid. Il est hideux. Et il est donc rejeté par son créateur. Mais au départ, il veut pas faire le mal, ce monstre-là. Mm-hmm. C'est à force d'être rejeté par tout le monde, à force de pas pouvoir communiquer parce que les gens veulent pas le voir, lui parler, à force d'être rejeté par son créateur, par tous les gens avec qui il pourrait avoir des affinités, qui finit par se révolter. Et donc, peut-être le message qu'il y a dans Frankenstein, c'est que c'est pas la science qui est dangereuse. La science, elle est humaine, mais c'est ce qu'on en fait par après, une fois que ça a été créé. Si on s'en occupe pas de nos créations scientifiques, peut-être que oui, ça peut se retourner contre nous. Mais la science, elle, c'est ni bon ni mal, c'est ce qu'on en fait avec qui peut être bon ou mal. Ouais, c'est ça. L'acquisition des connaissances, la compréhension du monde, c'est une chose. Puis après, y a ce qu'on en fait qui peut être bon ou mal. Ouais, exactement. C'est là que Frankenstein, à mon avis, se situe dans le roman original. Merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir fait revivre Frankenstein et peut-être de lui avoir donné un autre visage qu'on ne connaissait pas ou qu'on avait oublié. Ça me fait plaisir, merci.